vous me craquez. Je suis montée dans cette rame qui grince tous les matins et j'ai trouvé un homme qui crachait et crachait de toute son âme et qui mourait dans la rame au silence des hommes et des femmes. C'était un gars de l'Est et puis il venait pas de l'Est ni même d'un vent du Sud-Ouest. Je dirais même avec un zeste qu'il avait l'air d'être d'ici, mais enfin bon... D'ici ou de là, choisissons-nous comme ça. Ah, ah, ah, je suis montée dans l'autobus qui est en retard tous les matins et j'ai trouvé un enfant qui, s'il vous plaît, faisait des lapsus en jouant de sa main tendue et qui, s'il vous plaît, demandait son argus, demandait combien il valait. C'était au bel arrêt Picpus. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce gamin, dis donc. Sollicitation accrue, dois-je répondre à toute heure la rue, à l'appel de tous ceux qui font le trajet d'un accueil à la rue. Je ne sais pas comment dire ça, mais j'aurais voulu qu'un jour on puisse, au-delà du genre et du concept, réfléchir ensemble, sans se renier individuellement, mais en attendant, j'ai vraiment rien. Enfin, si j'ai un lave-vaisselle, j'ai bien aussi quelques dentelles. Mais bon, quand je pense à mon loyer, bah, je me dis qu'ils ont qu'à travailler. Ouais, qui peut te battre? Donne à son prochain. Mais quand je regarde papy, il a un regard de chien. Quelle est belle cette poubelle. Les autres au bord de la retraite, cordelette à la main, les évitent en cachette. Les jeunes se parlent de la vie comme s'il n'existait aucune âme asservie. Merci. L'enfant a déjà des angoisses, sa jeunesse est profit aux adultes qui passent. Ah, la minute ambiante, tu nous saoules, putain, tu nous saoules, qu'est-ce que tu nous saoules, quoi. Vas-y, mais lâche-nous, mais lâche-nous, putain, je te dis lâche-nous, mais lâche-nous, je te dis, vas-y, laisse-moi encore. Lâche-moi.